n'avais pas le cœur très à la fête, pas très bien dans mon assiette. Alors par prudence, j'ai quitté l'autoroute à 7. Au bord d'une route, je m'arrête. Quand j'ai vu le circuit, je l'ai reconnu à sa bavette, à sa silhouette. Et c'est en sortant l'autoroute à 7, dans la campagne près de 7, que j'ai vu passer le circuit au-dessus de ma tête. Soudain, la nature devint muette. Moi aussi, je restais court, car sous l'ombre immense du circuit, je me sentais sa proie. Il n'y avait plus d'autoroute à 7. Il n'y avait plus de vie de 7. Je n'étais plus qu'une simple bête. Au milieu des bêtes, quand le circuit, fier et superbe, frôla le haut de ma tête, je perdis ma cigarette qui tomba dans l'air. J'avais oublié l'autoroute à 7. Oublié la vie de 7. Comme à la merci du grand circuit, je crois qu'il me guette. Quand soudain, tel un athlète, il plongea sur une bête. Je me sentis minuscule et bête face au circuit. Depuis, j'ai repris l'autoroute à 7, mais tout a changé dans ma tête. J'ai acquis la vision très nette du grand circuit, des animaux de la planète. L'homme est l'espèce la plus bête, il est temps que son cirque s'arrête. Place au circuit,